YouTube, c'est le divertissement le plus libre qui existe. En 2017, on peut-tu se rendre compte de ça? La liberté d'expression, elle est là, sous vos yeux. Donc non, faire des vidéos sur YouTube, c'est très très loin d'être nul. On sent tube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette heure consacrée à YouTube et ses créateurs. Vous êtes sur Radio Campus Bordeaux et je vous propose une émission intitulée « On s'entube ». Avec moi pour m'accompagner jusqu'à 17h, différents chroniqueurs et chroniqueuses, notamment Justine qui est quelque part par là, qui n'est pas encore arrivée, pardon. On a Léa. Oui, bonjour, Justine arrive après, elle s'occupe des musiques je crois. On a Élisée aussi qui est venue nous parler aussi de YouTube. Salut. Et on a aussi des invités, des vidéastes venus des recoins d'internet, Le Clap. Bonjour. On a aussi Étagère. Coucou. On a avec nous aussi, on a Ico de la chaîne Trash. Coucou. Et enfin, 16 Bron, les deux youtubeurs qui parlent de rap. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour cette émission, on va parler ensemble de vos différentes activités sur YouTube et puis on enchaînera avec un petit débat centré autour de la créativité et enfin une petite surprise, un petit cadeau de Noël avant l'heure à retrouver en fin d'émission. Mais on va commencer assez rapidement en présentant les chaînes de chacun. Alors je sais pas qui veut commencer, est-ce qu'on fait un tour de rôle ou on veut faire la plouf? Non, pas moi. On y va à la plouf, qu'est-ce qu'on fait? On y va à la plouf, plouf, plouf, plouf, une bague en or, ça sera toi qui commencera au bout de 3. 1, 2, 3, Étagère, je te laisse présenter ta chaîne. Coucou. Alors du coup voilà, ma chaîne s'appelle Étagère, c'est mon pseudonyme d'une manière générale et je parle d'animation. Question suivante. Ça fait combien de temps que t'as commencé YouTube? 2 mois et demi. Ah bah c'est pas mal déjà. À peu près ouais. Ouais bah c'est déjà intéressant. Et du coup l'animation c'est un sujet qui te passionne en particulier, qu'est-ce que tu veux apporter en fait dans tes vidéos? D'une manière générale c'est des détails plutôt précis sur l'animation. C'est-à-dire que d'une manière générale sur le YouTube américain on trouvait des ressources très intéressantes sur l'animation. Mais en francophone, mis à part des debunks de 30 minutes de Dragon Ball Super, pas grand chose, pas grand chose. D'accord. On va passer à Ico, Ico de la chaîne Trash. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter en tant que Ico l'iconoclaste ou est-ce que tu veux te présenter ton collectif de youtubeurs Trash en premier? C'est un petit peu tout quand même. C'est vrai, c'est un petit peu moi. C'est un petit peu les deux. Je suis Ico de la chaîne Trash. Je suis un des co-dirigeants de la chaîne Trash du coup. Et j'ai aussi ma chaîne personnelle dans laquelle je parle d'icônes de la culture populaire, de personnages, mais aussi de films, de mangas, d'animés, un petit peu tout ce qui fait la culture populaire actuelle. Et à côté de ça, du coup, bah, oui, je suis co-créateur de la chaîne Trash, dans laquelle on présente sous forme, je pense qu'on peut l'appeler vulgairement des tops, tout plein de cultures, que ce soit scientifique, mais aussi culture geek, parce que c'est tout ce qu'on aime faire dessus, c'est parler un peu de ce qu'on aime jouer tous les dimanches. C'est chacun qui apporte en fait son point de vue différent et ses affinités différentes par rapport à ce qu'ils veulent présenter en fait, c'est ça? Oui, on fait ce qu'on veut quoi. Bon, c'est clair au moins. Le Clap, est-ce que tu veux aussi présenter un petit peu ta chaîne? Bonjour. Ton contenu? Donc moi c'est Le Clap, mon émission s'appelle Duo Screen et en fait je tiens une chaîne qui fait des analyses comparatives de films, de séries ou de jeux vidéo où je compare deux œuvres qui ont des points communs ou qui sont directement liées. Et à côté de ça, je fais également une émission qui parle de mon école de cinéma où je suis et une autre émission où je parle de la culture cinéma en général. C'est l'école Icar à Bordeaux, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Icar qui maintenant s'appelle Innov Audiovisuel. D'accord, ok. On va peut-être terminer par 16 Bron. 16 Bron, vous êtes aussi assez nouveau sur YouTube. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre concept de chaîne? Bah alors nous, ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube. On a divers thèmes différents. On fait à la base, c'était de la danse. Après, on s'est orienté vers tout ce qui est présenter de nouveaux rappeurs en tant que français et américain. On fait des vlogs aussi. Voilà, ça fait 4 ans qu'on fait ça et puis on kiffe quoi. D'accord. Mais le concept en fait de présenter en fait du rap, c'est assez nouveau sur votre chaîne en fait. C'est arrivé assez récemment. Ouais, ouais, c'est très récemment. Ouais, on a vu qu'il y a certains petits rappeurs qui aimeraient se faire connaître. Bon, même si on n'a pas des millions et millions d'abonnés, on essaie quand même de rapporter un petit coup de pouce, que ce soit en rap français ou en rap américain. Donc voilà quoi, ça fait plaisir. D'accord, merci. Alors on va commencer par un petit truc, on va commencer gentiment avec ce que j'appelle l'interview mitraillette. C'est assez simple, c'est une question pour un intervenant, une question pour un youtubeur, et il faut y répondre de façon la plus spécifique possible. Et alors je regarde un petit peu mon conducteur, alors qui va avoir droit à sa première question? Eh bien c'est Le Clap. Le Clap, non. Une petite question Un petit dossier assez sympathique. Le club, en fait, tu as commencé à te faire connaître sur le forum de partage YouPub. Ah, ça date d'il y a très longtemps. Et Ok, je l'avoue. Voilà. C'était il y a longtemps quand même. Une carrière d'antan. À l'époque, tu t'appelais Club de Fin. C'est ça. En fait, j'avais une première chaîne ouais, que j'avais arrêtée en octobre 2016. Et en fait, c'est quand j'ai commencé, j'ai vu une vidéo de Top 10 qui parlait d'un forum qui s'appelait YouPub. Et donc, j'y suis allé par curiosité. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui demandaient de l'aide pour leurs vidéos. Et à côté de ça, bah, ça faisait un petit peu de visibilité pour chacun. Et c'était surtout une entraide pour s'améliorer au niveau du contenu, que ce soit technique et aussi au niveau du fond. C'est très important. Ça t'a permis aussi de t'améliorer au niveau de l'expérience, par exemple, au niveau de comment aborder les sujets ou en termes de visuel. Ouais, exactement, ouais. Ouais, en termes de visuel aussi, par exemple. Okay. C'est ça. Deuxième question pour Ico. Ico, tu as récemment posté une vidéo qui était du coup une vidéo inspirée du concept du youtubeur Okam qui s'appelait Créatube. Alors, la question est la suivante, est-ce que tu peux rapidement expliquer le principe de Créatube et les raisons qui t'ont poussé à élaborer ce contenu ? C'est Okam lui-même. Il est venu me voir, il m'a dit « Ouais, je vais lancer un système de Créatube, c'est mon format. » Et en fait, ça serait vachement bien qu'il y ait plein de youtubeurs qui en fassent et qui inondent YouTube pour essayer de placer un maximum de petits youtubeurs en tendance. Alors j'étais un petit peu sceptique au début et je le suis toujours un petit peu, mais... J'ai trouvé l'idée sympa et je trouvais l'initiative intéressante, donc je lui ai filé l'accès à ma chaîne, entre guillemets, quoi. Enfin, tu dis que t'es sceptique par rapport au fait que ça ait marché ou pas ? Je suis sceptique par rapport à l'idée même, en fait, de pubage. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui, et ça s'est vu à de nombreuses reprises, peut être bon et pour la chaîne et pour le créateur. Parce qu'un pubage massif, comme pourrait le faire un Doc7 par exemple, c'est très très souvent difficile de s'en relever en fait. Tu as du mal, si tu veux, à enchaîner, et on le voit beaucoup, tu fais le même nombre de vues parce que ça apporte des abonnés qui peuvent être beaucoup, souvent, hein, ça, pas tout le temps, mais qui peuvent être fantômes. Parce que en fait, justement, la grande majorité des youtubeurs que je regarde, je les ai connus grâce à d'autres youtubeurs, notamment Créatube m'a fait découvrir plusieurs. Et bien sûr, j'ai oublié leur nom, mais il y en a un qui fait des animations en pâte à modeler avec un docteur en pâte à modeler qui est très drôle. Et il y a, bah, pour ceux qui passent sur Doc7, enfin devant les vidéos de Doc7, il y a Studio Vra qui me semble que j'ai découvert comme ça. Et sinon, avec le 29 avec Antoine Daniel, ça m'a fait découvrir Y Penser par exemple, qui est une chaîne que j'adore et qui est maintenant qui a décollé comme pas possible. Donc, Ouais, mais si tu regardes bien. Là, tu viens de me citer 3 chaînes sur combien de 29 d'Antoine Daniel et combien de vidéos de Doc7. Alors, il doit y en avoir d'autres, mais je t'avoue que j'ai pas tous les noms en tête sur mes 300 abonnés. Il y en a plein d'autres, mais le gros problème que ça pose, c'est que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés fantômes et il y en a beaucoup qui ont du mal à se. Il faut vraiment être très bon pour réussir à garder cette nouvelle audience. Et c'est ça qui est compliqué. Et je privilégierai toujours les conseils, donner des conseils aux jeunes créateurs qui se lancent pour donner des astuces qu'ils n'ont pas forcément quand ils se lancent, ce que j'ai fait avec le magnifique étagère, coucou. plutôt que de faire un pubage bête et méchant qui généralement n'apporte qu'une communauté qui est là parce qu'on m'a dit de venir, quoi. C'est juste ça. C'est pour ça que j'étais relativement sceptique et que je suis toujours, même si, encore une fois, je le répète, l'initiative est très cool. Compris. Ça tombe très bien d'ailleurs parce que tu as commencé à enchaîner sur les tâches. Ah, t'as peut-être une question ? Ouais, j'ai une question. Tu comptes te donner quoi comme conseil pour les youtubeurs qui débutent ? Ah bah ça, il y en a plein. Déjà le son, très important. Mmh. Donc priorité au micro. Acheter un bon micro. Ensuite, régularité, extrêmement important de tenir un rythme. Si vous avez en tête de faire une vidéo par mois, tenez-vous-y. Ne faites pas un coup une vidéo et ensuite 3 mois plus tard, faites-en une. Ça ne marchera jamais parce qu'il faut retenir cette audience-là. Il faut bien avoir en tête que les personnes qui sont là sont volages et qu'ils peuvent vous oublier d'un mois à l'autre. Tenez-vous-y, si vous faites une vidéo par semaine, faites une vidéo par semaine, très important aussi. Il faut savoir que YouTube en tant que réseau social a besoin de votre présence et que vous soyez là, parce que sinon, il vous oublie. Et je pense que c'est l'un des conseils les plus importants, c'est faites des vidéos régulièrement. D'ailleurs, j'ai peut-être une Merci. Question pour rebondir, peut-être pour aussi pour changer un petit peu, enfin pour rester un petit peu dans le sujet en fait que tu as abordé. Autour de la table, est-ce que vous pensez par exemple que faire des vidéos trop quotidiennes peut aussi nuire à la chaîne ? Parce que tu parles vraiment de fidélisation de l'audience, de faire des vidéos par semaine. Est-ce que tu penses que ça peut être vraiment aussi nocif si c'est poussé vraiment à l'extrême ? Ça dépend du format. Honnêtement, ça dépend du format. Hein. Si ton format te pousse à faire du quotidien, je pense par exemple à du gaming, si tu es une chaîne de gaming, si tu fais pas au moins une vidéo par jour, tu vas plonger littéralement. Je pense par exemple aussi à ce que peut faire TheKerry78. S'il ne fait pas ces vidéos-là, il va lui aussi plonger. Par contre, moi, si demain je me fais à faire une vidéo par jour, déjà je vais me flinguer parce que ça me demande beaucoup trop de temps à faire. Mais surtout, derrière, ça va, si tu veux, ça va ennuyer les viewers parce que ce que je fais derrière, fondamentalement, ça peut pas se faire tous les jours. D'accord. Ça dépend du format. On peut pas dire qu'il y a un qui est mauvais ou un qui est bon. Et je pense aussi que le format quotidien vient après que tu aies fidélisé ton audience. Genre, je pense à des vlogs de n'importe qui. Ça ennuie pas quand ta communauté est déjà là, en fait, parce que les gens veulent en savoir plus, mais il faut déjà qu'il y ait quelque chose d'ancré, en fait. Ça s'ancre, en fait. Le travail se fait au quotidien. Même si tu fais du travail quotidien, en vidéo quotidienne, la communauté, elle va se construire en parallèle. Faut pas s'imaginer, bon, j'ai besoin d'être présent pour pouvoir avoir un rythme. Ça marche pas. En fait, la communauté va se construire en parallèle du rythme que tu vas tenir, qu'il soit quotidien ou pas. Ouais, mais genre, en tant que personne qui regarde, du coup, et pas personne derrière, des vidéos tous les jours, même de quelqu'un qui est super, je vais pas les regarder forcément parce qu'il y a d'autres choses. On a d'autres trucs à regarder, on a d'autres choses à faire, mais aussi à regarder, en fait. Et du coup, peut-être quotidien, pour moi, expérience qui regarde, ça va. Enfin, c'est. Je trouve que c'est peut-être trop, justement, parce qu'on regarde pas tout et qu'au final, on se lasse plus que... Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. De toute manière, ça concerne une frange de population qui est assez minime et de toute manière, ça s'envoie sur les vues. Je pense, je reprends l'exemple des vidéos de gaming. Pour avoir, je sais pas moi, 1,4 million abonnés, on touche... Allez, le maximum que j'ai vu, c'était 50 000 vues par vidéo. Mais c'est tout à fait calculé et c'est un rythme, en fait, qui est à suivre parce que c'est des gens, en fait, et c'est des styles de vidéos qui se regardent, par exemple. Tu vois, moi, mon style de vidéo que je fais, c'est tu dois être pleinement dans la vidéo, tu dois avoir du temps pour regarder. Alors que ce genre de vidéos qui peuvent être quotidiennes, c'est plus des trucs que tu vas allumer en bouffant, en faisant autre chose à côté. C'est foncièrement, c'est pas pareil et c'est pas dramatique s'il y a moins de vues. C'est juste le style. C'est pas adapté aux mêmes personnes, en plus. Exactement. Les formats sont pas adaptés à chacun. Enfin, une vidéo de 30 minutes, des personnes plus jeunes... sont en général moins intéressés par ces choses-là. Quoi. Par exemple, le clap, toi, tu fais des vidéos assez longues. Par exemple, tu fais des grosses vidéos de 20 minutes pour vraiment présenter les films que tu présentes, dans, par exemple, du All Screen. Je pense en particulier à du All Screen, tu vois. Quand tu présentes, en fait, deux chaînes et que tu fais les comparaisons et les liens qu'ils peuvent avoir entre les différentes œuvres, tu mets vraiment du temps à les faire, mais c'est réfléchi par rapport au temps. Tu peux pas te concentrer sur 5 minutes. Ah oui, non, mais ça c'est un peu mon problème, moi, sur ma chaîne. C'est que j'ai du mal à faire des choses condensées, que ce soit au niveau du contenu. Et surtout, quand j'essaie de faire une analyse, j'essaie de rendre ça déjà le plus accessible possible pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre là où je veux en venir. Et potentiellement apprendre 2-3 trucs aux gens pour qu'ils puissent avoir une nouvelle façon d'analyser ou de voir les films. Donc je prétends pas avoir la science infuse, loin de là, mais voilà, sur des choses que j'ai appris. Et pour moi, je pense que ça prend du temps. C'est pour ça que j'essaie de prendre le maximum de temps, que ce soit pour l'écriture et surtout pour le contenu au final. Pour que les gens puissent bien comprendre comment comparer des films et surtout comment analyser la structure d'un film. Et c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Ouais. D'accord. On va peut-être faire une petite pause, si ça vous gêne pas. On va se retrouver juste après une pause musicale et on reprend sur les interviews. Soul. And when we feel alive, I know she'll. the stars collide, will she relieve my soul? And when we feel alive, I know she'll let me go. When you read my lips, I know you feel my cold. But I promise you, my heart is made of gold. Sans tube sur Radio Campus Bordeaux. Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Bordeaux et on vient d'écouter à l'instant Jody avec le titre I Don't Wanna Waste Your Time. Alors, j'ai envie de faire une petite aparté sur Jody. Jody, en fait, c'est à la base Fifi Frank, qui est connue en fait pour le Harlem Shake, Pinga. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Justement, je pense que vous avez sûrement entendu parler. Oui, si, on a entendu, ouais. Mon youtubeur préféré. Qui ça? C'est le youtubeur préféré de qui? Ah, ça, d'ailleurs, si tu veux, après on peut rechanger dessus parce que. Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est, que... c'est, il fait des choses exceptionnelles. Ouais. Je ne peux pas vous le décrire, je vous conseille assez... de le regarder. Voilà, ça c'est fou parce que voilà, il était vraiment dans un univers assez décalé et complètement barré. Et en fait, il est revenu dans la musique en fait, cette année. Il a sorti un album qui marche plutôt bien et qui détonne complètement par rapport à son univers d'origine. C'est assez chill, c'est assez sympa. Et moi, je trouve que par rapport à YouTube, c'est assez intéressant de voir la dissociation entre le personnage vraiment créé à attention vraiment d'un public et la personnalité d'un auteur qui écrit. Et surtout que par rapport à la musique, il avait déjà fait avec son personnage de Pink Guy, où justement il faisait du rap vraiment parodique ou autre, et que là il a vraiment dissocié son personnage de Joji, où là c'est quelque chose de beaucoup plus mélancolique, plus personnel même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as complètement raison. Et tu voulais d'ailleurs aussi intervenir. Oui, et d'ailleurs, il y a un deuxième EP qui arrive vers février. Et il a dit aussi que maintenant il faisait que Joji, il arrêtait Fifi Frank. Sérieux? Ouais. Ah, tu veux... son livre. Et ben, voilà. On est sur de l'exclu en ce moment, je ne suis même pas au courant. On va revenir un petit peu sur l'interview. Et on va peut-être parler de quelque chose qui vous tient à cœur, tout au moins j'espère. Les influences, c'est la créativité. Et je voulais commencer par Cesbron. Cesbron, en fait, vous faites des vidéos sur le rap, où vous décrivez en fait différents artistes, vous faites découvrir différents sons. C'est vous ça. Faites aussi des présentations, je pense par exemple à Lil Peep, que vous avez présenté du coup dans une vidéo. Ouais. Et en fait, vous faites aussi du rap à côté. Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi un lancement d'une carrière musicale prévue? Est-ce que c'est un moyen de vous lancer aussi, le fait de faire cette chaîne YouTube? Alors le thème musical, vu que moi ça fait à peu près 7 ans que je suis dans la musique, j'essaie de me démarquer, de faire des sons différents. Je suis plutôt dans le conscient que plutôt banlieue, hardcore, tout ça. J'essaie d'apporter quelque chose. J'ai pris ma vie comme thème, vu que voilà, j'ai eu un parcours pas difficile parce que c'est toujours pire ailleurs. Mais voilà, on essaie d'apporter quelque chose pour montrer à tout le monde que chacun peut avoir sa chance, quoi. Et moi, c'est quelque chose que je fais de ma passion, et tous les jours je m'entraîne. Et oui, il y a peut-être quelque chose qu'on prévoit, et ça peut peut-être mettre du temps, mais en tout cas on va y aboutir. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la passion, et en l'occurrence le clap par exemple. Je sais que t'es vachement porté sur les vidéos et sur le cinéma, et je me demandais s'il y a peut-être un court métrage de prévu, parce que tu mets énormément de fiction en fait dans tes analyses, dans tes chroniques. Je me disais en fait, est-ce qu'il y a quelque chose en vue par rapport à ça? Alors oui, ce sera la consécration, parce que justement la dual screen commence à prendre un tournant, parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire, c'est de la fiction. Et là, au fur et à mesure, ça a commencé à s'implanter sur la chaîne. Et donc là, j'ai déjà écrit un scénario pour un futur court-métrage qu'on va peut-être faire en juillet. C'est pas sûr du tout, parce qu'il faut pas mal d'autorisation. Mais voilà, le but de la chaîne, c'est vraiment commencer avec des vidéos analyses plutôt tranquilles, pour terminer sur des trucs beaucoup plus complets, beaucoup plus prenants pour le public, avec de la fiction écrite, réalisée de A à Z, quoi. Sous un format court, sur un court-métrage, ou plutôt sur une web-série, ou quelque chose qui pourrait se développer dans le temps Plus court. Web-série, je suis pas encore vraiment intéressé par faire une web-série. Il y a 2-3 idées, mais c'est... C'est plus le format court-métrage qui me plaît pour l'instant. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, étagère, je me demande, j'ai une petite question, en fait, c'est un truc qui me taraude. J'avais une question par rapport à ta passion pour l'animation. Et je me demandais, est-ce que toi aussi, d'ailleurs, t'en fais? Et est-ce que tu aimerais aussi partager ça? Est-ce que c'est vraiment les détails techniques, en fait, qui t'intriguent, en fait, dans l'animation, en fait? Est-ce que ça vient aussi de quelque chose, peut-être? D'une manière générale, il y a plein de choses à dire sur la manière de produire un dessin animé, sur l'histoire d'une production de dessin animé. Par exemple, le premier exemple qui me vient, on peut pas considérer l'animation d'Evangelion et son mode de production sans parler de la dépression d'Hideaki Anno. Mmh. Voilà, par exemple, c'est ce genre d'anecdote qui m'amuse. Mais après, pour moi, si je fais de l'animation, il y a plein de manières d'animer des choses. J'anime des choses avec des stickman, oui, éventuellement, il y a Source Filmmaker aussi qui permet de faire des trucs relativement propres. Mais l'animation pure telle qu'on la connaît, non, moi personnellement j'en fais pas parce que je dessine un peu comme une patate. Et pourquoi faire des collaborations avec par exemple d'autres youtubeurs qui eux sont plutôt calés dans l'animation et par exemple essayer de faire quelque chose à deux ou non, montrer ton expertise par rapport à la technique sur... Ça viendra peut-être, pour l'instant j'en suis au balbutiement, mon bon ami. C'est vrai. Mais pourquoi pas pour un futur. Pourquoi pas. J'avais aussi une question pour Rico, mais plus précisément sur Trash. Une question assez intéressante. En fait, j'ai l'impression que plus ça va, plus vous quittez un petit peu le format top pour vous concentrer vers autre chose. Je me demandais en fait quelles étaient les influences actuelles de Trash. Je sais qu'en fait, t'étais déjà venu à Radio Campus en février pour parler déjà de la chaîne Trash. Oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis? Est-ce qu'il y a eu un moyen de production qui est différent maintenant sur la chaîne? C'est pas un moyen de production qui est différent. Je pense que c'est plutôt la sensibilité de chacun qui évolue de manière groupée. Et c'est ça qui est beau parce que. En tant que force collective qui fonctionne, on a des sensibilités qui sont sensiblement les mêmes. Et c'est plutôt une évolution, si tu veux, de ce format-là, qui était le format de base, hein, qui était celui du top. Et il me semble que je l'avais dit la dernière fois que j'étais passé, mais que c'est plus aujourd'hui un format disserté. Si tu veux, on veut plus. Il n'y a plus des trucs qui ont aucune. Aucune accroche entre eux. Y a plus de, on veut vraiment qu'il y ait un fil rouge du début jusqu'à la fin. Qu'il y ait une introduction qui serve aussi à raconter quelque chose. Parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir raconter quelque chose. Et permettre, en fin de vidéo, d'avoir une conclusion. Et les influences, clairement, aujourd'hui, elles sont plutôt à chercher du côté de Vsauce que de ce qu'on peut voir sur le format top actuel, quoi. D'accord, et d'ailleurs, dans les dernières vidéos que vous avez sorties, il y a par exemple un historique du gaming et du let's play sur YouTube. Est-ce qu'il y a aussi cette envie, vraiment de donner une linéarité, c'est compliqué à dire à l'antenne, linéarité plus importante vraiment dans les vidéos et vraiment de promouvoir quelque chose qui est un peu historique par rapport à YouTube? Alors là, pour le coup, l'histoire, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en place sur Trash, parce que c'est moi quelque chose qui me passionne énormément, donc je veux en parler, et j'en avais déjà un petit peu parlé avant. Là, il se trouvait que le let's play, quelque part, c'est un petit peu la même... On a eu un petit peu le même œil sur les let's play que sur les tops. Quand le let's play a débarqué sur YouTube, vous aviez plein de personnes qui râlaient dessus parce que c'était un format facile, que tout le monde pouvait faire ça, que c'était vraiment le format du pauvre. Et je m'en souviens des engueulades qu'il y avait eu au sujet de Let's Play. Et l'idée, c'est derrière, c'était de retracer un petit peu cette historique, de vraiment faire une recherche historique, de faire une recherche presque universitaire dessus, de se rendre compte que des Let's Play, on en fait depuis l'invention de l'écriture, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais peut-être une question pour tout le monde autour de la table. Est-ce que vous pensez qu'il y a des catégories de vidéos qui sont un peu mortes? Parce que le Let's Play, on le voit de moins en moins. Enfin, il a évolué, ça, je sais que tu en avais parlé pendant un live. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une évolution ou une mort de certains styles sur YouTube? Oui. Moi, je pense pas qu'il y aura jamais de mort d'un certain thème. Je pense qu'après, t'as toujours des thèmes qui sont plus populaires que d'autres. Mmh. Tu vois, dans la culture, t'as toujours des choses qui arrivent derrière. Mais dire qu'il y a un type de vidéo qui va disparaître, c'est comme si tu te posais la question, est-ce que le rock va disparaître? Est-ce que tel type de peinture va disparaître? Non. Ils seront peut-être moins représentés, ils seront peut-être moins regardés, mais jamais tu vas voir ça disparaître. C'est toujours des vagues, et surtout des vagues de nouveautés, surtout. T'as toujours ça, et c'est aussi ça aussi qui fait les sortes de grosses critiques qu'on a. Quand il y a eu la vague de top, il y a eu cette critique, parce que même si certaines chaînes faisaient d'excellents contenus avec des tops, t'en avais d'autres, c'était à la pelle, c'était des copiés de Wikipédia, etc. Pareil pour les let's play, il y en avait beaucoup qui jouaient à leur jeu et puis essayaient de pas divertir les gens. Donc je pense que c'est surtout des vagues et que après, derrière, bah, après la vague, il reste toujours des choses qui seront toujours présentes. Mais qui regarde les vlogmas, ça existe toujours. Donc bon, je pense que c'est le pire truc qui puisse, être vraiment. Désolé si vous en faites. Hein, mais tu vois, ça existe toujours. Il y en aura tout le temps qui seront là et il y aura toujours des gens surtout pour être créatifs autour d'un format. Même qui ne plaît plus, etc. Faut juste être soi et avoir de la personnalité et le mettre en avant, et c'est ce qui plaît en fait. Et aucun format ne sera mort tant qu'il y aura des gens qui seront créatifs, à mon sens. Et bien, c'est une belle morale pour cette histoire. On va peut-être faire encore une petite pause musicale et on se rejoint après pour un petit débat sur YouTube. Alors, en l'occurrence, on va parler de droit d'auteur, on va parler de créativité, on va parler de beaucoup de choses et on se retrouve juste après la musique. Radio Campus Bordeaux. Vous êtes toujours à l'antenne sur Radio Campus Bordeaux à l'occasion du marathon et vous êtes dans une émission qui s'appelle On s'entube où on parle de YouTube, des créateurs et des youtubeurs. Mais avant de partir sur un débat assez sympathique, je voulais vous parler un petit peu de la musique qui vient de passer. C'était Claro, Pretty Girl. Claro, en fait, c'est une jeune youtubeuse musicale qui a marqué un petit peu internet. Remarquez, bon, elle a fait quelques millions de vues, je crois que 5 millions de vues, c'est pas dégueu quand même. Et en fait, elle a fait un petit clip assez sympa qui s'appelle Pretty Girl et dans lequel en fait elle se met en scène juste avec sa webcam. Et moi je trouvais en fait que ça fait plus ou moins indirectement penser en fait à ce qui se faisait YouTube au tout début de la plateforme, vraiment ce côté un petit peu homemade, assez cheap. Et je trouve assez ça sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Est-ce qu'il y a peut-être un amateurisme qui manque d'ailleurs sur YouTube en ce moment? Oui. Non, je sais pas, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que YouTube se professionnalise de plus en plus par rapport au contenu, par rapport à la créativité des personnes et surtout par rapport au montage, aux différents skills qui sont mis en pratique. Est-ce que c'est devenu vraiment la norme actuelle, vraiment de savoir caler tous les outils numériques disponibles? Après, ça n'engage que moi, mais honnêtement, je trouve que c'est dommage de... Parce que c'est pas tellement un amateurisme qui se perd, c'est un amateurisme qui est pointé du doigt et qui est totalement décrédibilisé aujourd'hui sur la plateforme, là où tout le monde a commencé avec les mêmes outils au début. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et tout le monde ne peut pas débuter avec un GH5, un Rode Vidomic Pro, et puis des perchemans qui sont tous autour de toi en train de faire tes podcasts, quoi. Tu voulais réagir ? Alors justement, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour commencer. Et quand on voit que les gens sont critiqués justement par rapport à la qualité de l'image ou du son, alors que moi, de mon côté, le plus important, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, c'est le côté humain, c'est la personne qui est derrière la caméra. Et c'est ça qui va jouer avant tout. Donc on a tous commencé avec son téléphone ou avec son microphone tout pourri et c'est ça qui manque dans l'esprit critique des gens qui regardent les vidéos, pour se dire que voilà, il faut avoir un minimum de recul pour se dire que chacun a droit à ses débuts, chacun a droit à ses ratés entre guillemets pour se lancer correctement et ensuite derrière se professionnaliser petit à petit. Mais ce côté trop professionnel directement, moi personnellement, ça me gêne un peu. J'ai commencé avec un micro de karaoké Wii U. mais c'est pour ça, les gens sont beaucoup trop habitués à tout le format professionnel qu'on a, et il faut essayer de prendre vraiment du recul par rapport à ça. Des énormes chaînes, genre par exemple ce joueur du grenier, Antoine Daniel ou encore Mathieu Sommet avec Salut les Geeks, vous regardez les premiers épisodes, les premières saisons, et vous rendez compte à quel point ça vieillit, que c'était vraiment un travail amateur. Mais les gens encourageaient ça à l'époque, ils disaient ah bah vas-y, continue ton travail, je suis sûr que ça va marcher, et ça a marché. Maintenant, on est vraiment habitué à directement du matériel professionnel, et on n'encourage pas ces youtubeurs, et c'est vraiment quelque chose de dommage, et comme Ico disait, ça décrédibilise complètement la plateforme. C'est comme disait le clap, c'est vrai que c'est de la patience, du temps, et il faut avoir un minimum de reconnaissance pour la personne qui fait ça derrière, et puis voilà, puis davantage ils font ça pour eux, mais pour aussi faire plaisir aux abonnés et puis aux personnes qui sont là, qui seront là dans le futur, quoi. Voilà. Après, moi je m'étais lancé sur YouTube de façon très sporadique, et c'est vrai que quand tu découvres le montage pour faire l'éclairage, etc., tu te rends compte que ouais, il y a de plus en plus de problèmes, et tu te rends compte des problématiques qu'il y a de faire une vidéo, rien qu'une seule, quoi. Et surtout si tu veux faire des formats longs, alors là c'est vraiment la torture, quoi. Mais en fait, surtout, c'est que souvent ce que je dis, c'est qu'il y a une sorte d'effet magique, c'est que quand on ne connaît pas ce qu'il y a derrière, c'est magique. C'est par exemple, je vois par exemple Noob, par exemple, aujourd'hui on se dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire un MMORPG, ils peuvent être les rois du monde, ils vont au CAC 40, ils prennent tout, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a une blinde de bénévoles qui travaillent avec eux, la plupart sont encore considérés comme des amateurs, c'est même pas encore professionnel. La plupart des youtubeurs ne sont pas réellement professionnels, il faut le comprendre ça aussi. C'est entre guillemets du semi-pro. Mais c'est juste que quand tu connais pas ça, quand tu connais pas le montage, quand tu connais pas tout ça, mais tu fais juste des comparaisons, et tu sais juste que c'est de la magie, et il y en a un qui fait bien, et puis l'autre, il le fait pas bien. Donc forcément, t'as ce problème de comparaison. D'ailleurs, pour rebondir à ça, il y a un truc qui se met en place depuis quelques années en France et dans le monde entier, les YouTube Space par exemple, et aussi des YouTubeurs qui commencent aussi à développer leur propre YouTube Space. Je pense par exemple à Amixem et tout le groupe Vodkaprod, tout ça, qui ont développé à Angers la Redbox, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt, et ça permet vraiment de professionnaliser vraiment les tout venus dès le début comme ça? Moi, je pensais aussi à un autre exemple, c'est Pierre Cross que j'ai pu rencontrer. Lui, il fait pas partie d'un network ou quoi que ce soit, et il essaye de développer par exemple Benjamin Verrecchia, qui du coup bosse dans son studio, et ça fonctionne hyper bien. Après, je pense que c'est pas viable pour mettre en place plein de jeunes youtubeurs qui n'ont pas de moyens, parce que beaucoup c'est pareil, enfin, quand il y en a trop du coup ça fonctionne pas, mais c'est hyper ça peut le faire, mais il faut y mettre les moyens, il faut que les deux côtés aussi soient d'accord sur le format d'une sorte de collaboration en fait, et de mise en avant, et il faut faire les choses bien. Effectivement, quand on parlait tout à l'heure, par exemple le début des vidéos de Doc7, c'est bien, hein, c'est tant mieux, hein, mais ça marque pas, donc il faut faire un truc qui soit un peu plus développé et plus qualitatif à mon sens dans la démarche de promouvoir quelqu'un. Après juste déjà faut pas non plus fantasmer, on peut pas professionnaliser tout le monde, hein. Enfin, ce que je veux dire par professionnaliser, ouais, c'est genre l'amélioration du contenu et trucs comme ça, genre pour éviter, mais même au niveau du nombre de personnes, on pourra pas faire des professionnels, tout le monde pourra pas être professionnel. Après il y a YouTube qui trop tardivement pour moi, et qui le fait de façon un peu bizarre, lance YouTube Red, qui peut être une solution pour faire des contenus professionnels. Je conseille d'ailleurs la série Minefield de Vsauce, qui est excellente, vraiment une très très bonne production. Et après il y a aussi au niveau de promouvoir des youtubeurs, va peut-être aussi falloir aussi que nous en tant que consommateurs aussi on commence à arrêter de se dire ouais mais YouTube va nous faire quelque chose pour nous faire découvrir d'autres personnes, ou on va attendre qu'un youtubeur nous fasse découvrir des choses. Non, à un moment donné il va falloir que nous en tant que consommateurs, si on veut vraiment faire découvrir de nouvelles personnes, on commence à prendre des vrais réflexes pour faire découvrir d'autres personnes, d'aller chercher, de se casser le cul pendant 5-10 minutes pour trouver un youtubeur. Je pense que c'est aussi ça la solution, ça vient peut-être aussi de nous en tant que consommateurs de vidéos. Vous êtes déjà allé au YouTube Space ? Non, pas encore. Alors je dis pas, pour le Space DMXM, ça doit être une chose qui doit être pas mal. En tout cas, l'initiative de fait que ce soit créé par un YouTuber est une bonne initiative, parce que c'est de la création privée. Par contre, n'allez pas au YouTube Space, les mecs, hein, vous allez vite déchanter, hein, c'est de la merde. Ah ouais. Mais genre vraiment, c'est un ramassis d'ordures qui se présente là pour se sucer entre eux. C'est extrêmement violent. C'est le truc qui m'a fait le plus déchanter de ma vie. Vous avez des mecs qui sont là en train de s'entre-sucer pour essayer d'avoir un maximum de visibilité entre eux. Vous avez des espèces de petites poufs qui essayent de se présenter devant tout le monde et qui sont là juste pour voir les petits fours. Non, vraiment, n'allez pas au YouTube Space Paris, c'est quelque chose qu'il faut éviter comme la peste. Mais du coup, surtout le problème de YouTube Space, c'est quelque chose de drastique, et si ça, t'as juste une vidéo, mais pas la chaîne, juste une petite vidéo, ne plaît pas à YouTube, c'est bon, on va te refuser d'entrer, ça ne va plus être possible pour toi. Je crois que c'est Antoine Daniel qui avait justement eu ce problème. Je ne sais plus quel gros youtubeur, mais justement par rapport à ça. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous pensez... PewDiePie, en Amérique, PewDiePie, par exemple. PewDiePie, on passe sur quand même autre chose. À moins que vous voulez aborder le sujet, par exemple, de l'apocalypse, je ne sais pas. Ouais. Alors, moi, j'ai un petit truc sur le... Ouais. Moi, j'ai un petit problème avec YouTube qui dit « faites des vidéos comme ça ». Parce que je trouve que ça enlève un peu le concept de personnalité qu'on a sur YouTube, où chacun fait ses vidéos dans son coin comme il aime le faire. Et je trouve que si on a... C'est une bonne initiative en soi, mais je trouve que si on a quelqu'un qui dit « faut faire ses vidéos comme ça, comme ça, comme ça », et pour marcher sur YouTube, ça enlève un peu le côté « do it yourself » justement de YouTube. D'ailleurs, j'aimerais un peu rebondir là-dessus. C'est vraiment une question pour tout le monde autour de la table. Est-ce que vous pensez vraiment à l'heure actuelle qu'il y a vraiment des limites? Quelles sont les limites actuelles en fait pour les youtubeurs en termes de création de contenu? Et je parle en l'occurrence par exemple des limites par rapport aux droits d'auteur, par rapport aux bots YouTube. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a aussi un contenu un peu bridé par ça? Le problème déjà du bot YouTube, c'est que justement c'est un bot. C'est un énorme problème, et là bien évidemment c'est impossible entre guillemets qu'il y ait des personnes qui regardent chaque vidéo ou autre. C'est impossible, il faut dire. Mais le fait que ce soit un bot qui soit si drastique et aussi qui soit facile à éviter, quand on voit par exemple, comme tu le parlais il y a quelques semaines de cela, par rapport à toute l'affaire de pédophilie cachée qu'il y avait dans YouTube, avec et aussi des chaînes comme Swan the Voice ou autre, où c'est du travail d'enfant quand même, il faut dire. Et vraiment, le fait que ce soit un bot qui s'occupe de la démonétisation est un problème déjà. Est-ce que vous avez déjà été, est-ce que vous avez des problèmes par exemple par rapport à ça? Oui, tu voulais me poser une question. C'était pour juste rappeler l'exemple de Pose Manga, qui avait fait un épisode super travaillé sur l'homosexualité présentée dans les mangas, et qui s'était fait complètement censurer sa vidéo. Il avait demandé à YouTube pourquoi. on lui avait dit que, enfin, qu'il avait pas demandé, il s'est pris deux avertissements, je sais plus comment ça s'appelle. De strike. Et au troisième, il y a, enfin, au troisième, en gros, il allait se faire supprimer sa chaîne, si je dis pas de conneries. Enfin, il a dû faire une super longue pause dans ses vidéos avant de pouvoir s'y remettre. Et ça avait aucune, enfin, YouTube lui a jamais dit pourquoi il lui avait supprimé sa vidéo sur l'homosexualité. D'ailleurs, il me semble, je sais pas s'il l'a déjà re-uploadé ou pas encore, même si ça date. Mais il n'y avait aucun contenu choquant à l'intérieur. C'est surtout ça, c'est vraiment rien. Donc. Alors moi, je vais m'amuser à faire l'avocat du diable. Déjà, parce que vous avez soulevé deux soucis en fait, qui sont propres à YouTube. Déjà, le fait que ce soit un bot qui gère n'est pas un problème. Il faut que ce soit un bot parce que bon, il y a plus d'un million de vidéos qui sont publiées par jour, donc c'est humainement pas possible de le faire. Mais malgré tout, ce bot-là et les erreurs qu'il peut faire, parce qu'il y a la possibilité de signaler d'éventuelles erreurs sur les chaînes pour essayer de se refaire monétiser. Alors c'est un peu bête à côté dit comme ça, parce que cette remonétisation est possible uniquement si vous avez fait plus de 1000 vues dans les 24 dernières heures, ce qui est compliqué pour certains youtubeurs. Mais derrière, vous avez une vérification manuelle qui est effectuée, et il faut savoir que YouTube est conscient de ça et qu'ils ont, par exemple, là, il y a quelques mois, embauché 10 000 personnes pour faire des vérifications manuelles. Le gros problème, comme tu le soulevais, par contre, sur YouTube, et je pense qu'il, là, effectivement, à terme, peut être extrêmement épineux, parce qu'on parlait de l'apocalypse. En soi, pour moi, c'est un faux problème, parce que c'est quelque chose qui est en cours d'être géré et qui va finir par se faire gérer. Le bot sera suffisamment efficace un jour pour reconnaître ce qui est bon ou ce qui est pas bon. C'est en tout cas l'objectif qu'a Google, puisqu'ils sont conscients que c'est un problème aussi pour eux. Il faut bien l'avoir en tête, hein, parce que c'est aussi de l'argent qu'ils ne génèrent pas pour eux. Par contre, là où effectivement il y a une sorte de déni démocratique, c'est que derrière, quand tu es censuré pour une vidéo, quand tu es un strike, il n'y a aucune, vraiment aucune motivation qui n'est donnée dans le strike qui est envoyé. Et tu restes dans le flou de A à Z, et même, ne serait-ce que pour une démonétisation, tu ne sais jamais qu'est-ce qui est incriminé dans ta vidéo, à quel moment, et surtout par qui. Tu peux le savoir via un network, mais pas toujours, parce que, et c'est là un autre des cancers de YouTube, qu'on ne pense pas nécessairement, ce sont les networks. Ce sont ceux qui gèrent des chaînes contre 10% de vos revenus YouTube. Et je dis au minimum parce que c'est vraiment l'un des plus bas que vous pouvez avoir avec le fameux 5%, sachant que des gros YouTubeurs comme Cyprien ou Norman ne prennent rien du tout. Mais c'est parce que derrière, enfin voilà, c'est eux quoi. Il faut savoir que c'est vraiment le gros souci que vous avez en ce moment, c'est aussi ces networks-là qui, sous prétexte qu'ils auraient potentiellement reconnu du contenu d'un autre youtubeur, et ça peut aller très vite, il suffit que vous utilisiez une séquence de gameplay d'un jeu vidéo que vous avez enregistré vous-même, mais il se trouve que l'autre youtubeur a enregistré ce même jeu, et vous vous faites bloquer votre vidéo dans le monde entier parce que X Network a reconnu que bah non, ça appartient à ce youtubeur, ce qui est faux parce que dans les faits ça appartient plutôt à l'éditeur de jeux vidéo. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros cancer, et le problème c'est que c'est, si vous voulez, c'est, ils sont juges. Et ils proposent des jugements et ils appliquent la peine. Et ils ne vous donnent jamais de motivation. C'est le gros problème qu'il y a et qui, je pense, devrait concentrer un maximum d'énergie plutôt que l'apocalypse qui n'est jamais qu'une vague comme on en a connu d'autres par le passé. Waouh, c'est dernier en silence. Merci Florian. On va faire une dernière pause musicale et puis après on se trouve pour la dernière surprise de fin d'émission. Toatar kızımın da mikrofon nejim Erip taşlarga pik tateli Mintelem hype, mintelem vibe Mintelem million like Mintelem bu bas bilen sine Bir mizgilde ayaktan yigırgar Kara mina, mini şambuyn Kebeksinin baş işinan Ey işinan, sefnege mengende Minem terk ışıtkan Bir karaştan, kızlar yumşak Hem bir kuyalşan Tik işimden, min her vakit kışkıran Business in the cool Business kızlar ut Business in the cool Business kızlar ut Business kızlar ut Altın, altın altın matur şaşak min altın min altın min altın matur şaşak min altın min altın min altın matur şaşak min altın min altın min altın matur şaşak Nerseden yasalgan kızlar Belki alar yasalgan yıldızdan Belki alar yasalgan arayının yaktı nurundan Kim bile Brilliant biznik dus Nekşular Biznik dus Instagram Nekşular Lekin kuzge korasam Başa bitirim dolusu bilen Am Nerseden yasalgan yegitler Tönle alar ya vızitler Evde sen uyatı bulmay Kalanan kuyu kartmışlar Miau Lekin min alarda yaratam Youtube'dan özüme koratam Artka şigini yukamin Uzajımdan kışkıram Business in the hood Biznin kızlar ut Business in the hood Biznin kızlar ut Biznin kızlar ut Altın, altın Altın, altın Min altın Altın, altın Altın, altın Min altın Altın Min altın, altın, altın, altın. Min altın, min altın, min altın. Matur şaşak. Min altın, min altın, min altın. Matur şaşak. Min altın, min altın, min altın. Matur şaşak. Min altın, min altın, min altın. Matur şaşak. Sans tube sur Radio Campus Bordeaux. Vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux à l'écoute. Donc son tube, l'émission spéciale YouTube pour le marathon de Radio Campus Bordeaux. Et on vient d'écouter Tatarka avec Artin. Alors Tatarka, c'est à la base Ira Shelmeya, je prononce très très mal très certainement. C'est une youtubeuse russe qui a 800 000 abonnés et qui s'est lancée dans la musique avec un style un peu cloud rap assez sympa. Et elle s'est fait repérer par le groupe Little Big, que vous devez très certainement connaître avec Everything I'm Drinking. Voilà. Et d'ailleurs, ça tombe bien, on parle de musique et on va passer à quelque chose qu'on avait promis, une petite surprise. Ça s'appelle un blind test spécial YouTube et c'est présenté par Justine. Justine, bonjour. Bordel. Bonjour. Alors, super. Du coup, je vous ai concocté. Voilà, pardon. Je te rends le casque, laisse la vie. Du coup, je vous ai concocté un petit blind test concernant YouTube, les vidéos qui sont à la mode, qui ont été à la mode, etc. Les expressions aussi, les jiggles, tout ça, tout ça. Alors, tout d'abord, on va commencer avec une expression. Du coup, il faut retrouver le youtubeur à qui ça appartient. Et celle-ci est quand même relativement facile. Ah oui. Juste à préciser, essayez tous de mettre des casques autour de la table parce que ce sera peut-être plus pratique pour vous écouter. Ou alors, on coupe les micros et après, on fait comme ça ? On fait un main levée, on coupe les micros. C'est parti. Il y a trois micros. Four. Four. Four. Norman. Four. On laisse le premier point aller. Ah ouais, mais on avait coupé notre micro. En fait, c'est pour ça. Ouais, on avait coupé le micro. Ok, oui, du coup, c'est bien Norman, faux. Ensuite, il s'agit d'un petit jingle. On passe au jingle. Golden Moustache. La balle, les mains levées, oui. C'est Golden Moustache. Ouais, c'est ça, c'est Golden Moustache. En fait, on reste toujours sur le jingle. Là-bas, le clap. Palma Show. C'est ça. Ah ouais, bien joué, bien joué. Putain, je l'avais plus celui-là. C'est bon, je suis lancé. Ouais, c'est ça. Ensuite, on passe sur un petit rap. Vous devez trouver qui sont les auteurs. Ah. Alors, vous avez trouvé ou pas là-bas? Monsieur Poulpe. Alors non, il s'agit d'un rap de McFly et Carlito. Non. Choqué, je savais même pas. Alors pourtant. Eh oui, ils ont fait. C'est moins connu, c'est avant que leur chaîne prenne de l'ampleur. C'était il y a des années, des millénaires. Aussi, des millénaires, c'est passé. Alors. Ils ont sorti c'était quand ce rap qui s'appelle. C'est tout début. C'est quand ils étaient drôles, c'est ça. Ouais. Ça dénonce, ça dénonce. Du coup, oui, ça s'appelle Les rappeurs médiévaux festoyons. C'était plutôt sympa. Je voulais vous piéger là-dessus. Ensuite, on passe à un générique. Tenzai, le hard corner. C'est ça. Non, mais aussi. On va rester dans le thème des génériques. C'est plus le vrai générique. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, bah, Théo galère un peu, le pauvre. Moi, générique, je l'ai pas. Bah oui. J'ai pas le temps, moi. C'est parti. En premier là! Ah merde, j'ai. Attends, on a même pas le temps de laisser. Là, je suis pas d'accord, là, je suis pas d'accord. Là, je suis totalement pas d'accord. Alors là, je vais le dire. Je me bats pour trouver. Vous savez en plus, je t'es le joueur du grenier. Oui, là, je me bats pour trouver. J'ai trouvé... Alors, j'ai trouvé en premier grâce aux vagues. Les vagues. Même pas, j'ai trouvé avant! Ça se bat, j'avoue que je sais pas trop, j'ai pas bien vu. Je vais les crochets à un moment. Et je dirais que c'est l'épisode de 8 de. Alors, ensuite, on passe à un petit rap aussi, on reste dans le rap. Yeah. Je prends de la valeur avec l'âge. Léa, elle avait la main. Oui, c'est Squeezie. C'est ça, c'est Squeezie, Big Flo et Oli. Oui, c'est ça. Non, elle a levé avant moi. Non, non, Léa était au taquet, là. Elle était là. Ensuite, on passe sur une musique toujours de YouTuber. T'inquiète, Théo, y a pas de soucis. C'est Norman et Squeezie. Oui, les assassins. Les assassins. Bang, bang, bang. Le fameux placement de produit qui n'a jamais été cité. Ça dénonce. Ouais. Ensuite, une musique de mème qui a fait, qui est plutôt connue par rapport à cet été, qui était plus à la mode. Je m'en rappelle plus, mais je sais. Oui, Shooting Star. Oui, c'est ça. On va peut-être la laisser un peu pour ceux qui n'avaient pas connu. Ouais, je sais pas comment ça s'appelait, par contre. Alors ensuite, pour la suite. Alors, prépare-toi, Théo, t'es prêt? Alors, du coup, j'ai su qu'on avait un YouTuber porté sur l'animation. Donc, il s'agit d'un générique d'animé. Il faut retrouver lequel. Bon, c'est plutôt facile, j'ai été gentil. C'est un truc de Weeboo, j'ai pas trouvé. C'est pour ça, donne le point à quelqu'un d'autre. C'est moi qui te... C'est moi qui... Honneur aux filles, désolé. Oh, mais... Shingeki no Kyojin, c'est ça. Oui. Oh, pardon, chanté par Link Torizu qui a aussi composé la BO de Bravely Default. Bah, il avait aussi fait celle de Guilty Crown, il me semble aussi. Ok, alors j'aime bien Guilty Crown. Mais... Okay. Est-ce que tu as quelque chose en particulier contre Attack on Titans par exemple? Qui a-t-il? Tu as quelque chose en particulier contre Attack on Titans? Ah, alors oula, on a du débat là-dessus. Je sais pas, j'ai quelque chose en particulier contre les animés entre guillemets hype. J'ai rien contre l'attaque des titans, par contre, voir 50 fois le même cosplay de Mikasa ou. Oui. En convention, ça, oui. Ça me. Ah, je suis d'accord avec lui là, pour le coup là, je suis tout à fait d'accord. C'était le cosplay de 2015, en 2016 c'était Harley Quinn et en 2017 c'est Deadpool. Mais... Du coup j'ai le droit de pas aimer Overwatch. Ah grave. Ah. Sur le fond, on a le droit d'aimer ce qu'on veut. Hein. Oui. C'est beau. C'était peut-être même le dernier mot de cette émission. C'était très beau et c'était vraiment touchant. Merci de nous avoir partagé cette petite diatribe. Est-ce que ça se dit diatribe? Oui, j'ai l'impression que c'est des signes oui autour de la table. Ce mot existe. Ah, super. Bon, si ça existe, tout va bien. On va se quitter. Mais. Oh non. Mais avant de partir, je tiens quand même à remercier du coup tous les intervenants d'être venus aujourd'hui. Je tiens à remercier Ico, Quentin avec la chaîne Ico et la chaîne Trash, que vous pouvez aller checker sur YouTube. Je tiens à remercier Quentin qui du coup anime sur sa chaîne YouTube Le Clap plusieurs émissions. Abonnez-vous. Oh. Je tiens à remercier Étagère. Mettez des post-blocs. Je tiens à remercier Étagère aussi d'être venu et c'est très gentil. J'ai tout. Et je tiens à remercier Cesbron, l'équipe de Cesbron, qui du coup font de superbes chroniques sur le rap. Et je tiens aussi à remercier tous les chroniqueurs de Radio Campus qui ont participé. Je tiens à remercier Justine. Je pense que c'était une grande qualité d'écoute. Oui. Je tiens à remercier Justine. Justine, tu veux dire peut-être un mot dans le micro. Bisous à vous. Non, on attend les chèques. Hein. Super. Voilà, écoute, merci Léa, merci Théo, Alizé. Merci Théo surtout. Oh mais c'est oh putain mais on s'envoie des fleurs, on s'envoie des bisous. Oh, on adore ce sucer ici. C'est génial. Hein. On fait comme au YouTube Space. Non, en vrai en fait je fais durer. Non. En parlant de YouTube Space. En vrai je fais durer un peu le truc parce que je sais pas comment balancer un son pour faire enchaîner l'autre émission. D'ailleurs il faut savoir que la prochaine émission c'est Necronomicon, une émission un peu décalée sur l'humour. Et puis ensuite on retrouve Check si je dis pas de conneries, mais si j'en dis, on va certainement me taper en studio. N'arrêtez jamais d'apprendre. Oh. Merci à tous. Ah, tu es peut-être Nicolas. Ah. Nicolas, est-ce que tu sais comment fonctionne le CD ? Est-ce que je te laisse prendre ? Merci Nicolas.